Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Is in control. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. La semaine dernière, petite pause forcée par le verglas. J'aime beaucoup l'émission, mais pas assez pour me tuer sur la route. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait au moins encore 2-3 animateurs de gauche à Québec. Donc, nous voilà, nous revoilà. Drôle de semaine encore une fois, d'ailleurs. Et la dernière en lice, si je recule de vraiment une semaine, Trump qui empêche la presse, la vraie, d'assister à un point de presse. Hein? Ils ont bloqué CNN, le New York Times, LA Times, Politico. Alors, The Associated Press et le Time ont dit non, nous autres on sort, on boycotte le point de presse. Alors, on y arrive, les amis, ça s'en vient, faut pas lâcher. Trump se fait ajouter une moustache en forme de ticket de métro, il se fait sécher son aisselle droite et hop, on y est. D'ailleurs, c'est tout comme si on était en 1930, hein, parce qu'on veut limiter les droits des femmes, des immigrants, on ostracise plus particulièrement un groupe précis, les musulmans. On met sur le charbon, le pétrole. On fait semblant que la solution économique, c'est la défense, la guerre. On fait du désordre sur l'échiquier mondial. Ça s'en vient. Avec un bureau constitué de fanatiques, d'idéologues aveugles aux commandes, on va y arriver plus vite qu'on pense. Mais... Faut pas s'en faire, continuons de magasiner et de regarder la télé, c'est bon pour nous. Bienvenue à Econophile. Et vous voulez nous trouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis pour trouver le blog, ben de façon, il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben vous allez sur econophile.net, tout à fait, econophile.net, et vous y arrivez directement. Pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question pour vous donner quelques heures de plaisir d'ici la fin du monde. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux 3 dernières émissions. Celle de la semaine dernière, c'est un bijou, musicalement parlant, et ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Alors, nous revoilà donc. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Content de te retrouver. Écoute, cette semaine, on l'attend. Bon, ouais, j'avais hâte déjà d'en parler la semaine dernière, maintenant qu'on s'y trouve. Anatomie d'un désastre, la crise financière de 2008 de Reagan à Trump, de Serge Truffaut. C'est tout frais d'ailleurs, c'est en librairie depuis une semaine à peine. Un livre peut-être à ne pas recommander aux âmes sensibles, mais un livre, en ce qui me concerne en tout cas, qui fait du bien. Toi Jean-Claude? Oui, ben, effectivement, je pense ne pas recommander aux âmes sensibles parce que c'est un peu révoltant, ce livre-là, parce que, en fait, le titre, c'est Anatomie d'un désastre, mais ça aurait pu s'intituler aussi Comment préparer une crise financière. Le sous-titre est de Reagan à Trump, mais en réalité, ça remonte à Franklin Delano Roosevelt, c'est-à-dire, dans le fond, au président qui a hérité de la crise de 1929. Et le livre est en quelque sorte une histoire assez documentée, assez intéressante, mais assez, sur un ton assez personnalisé aussi. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Oui. Oui. C'est beaucoup mis au niveau des individus qui font l'histoire. Et dans le fond, ça nous montre comment on est passé d'une crise, celle de 1929. Après ça, on a pris des mesures pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Ça a duré pendant peut-être 50, 60 ans, cette bonne résolution d'éviter les crises. Mais ce que le livre montre, dans le fond, ce que le livre de Serge Truffaut montre, c'est qu'à partir de, disons, 1970, mais encore plus à partir des années 80, on a progressivement relâché les défenses qu'on avait mises en place. Ouais. Puis tout ça, de fil en aiguille, de mesure en mesure, de relâchement en relâchement, finalement, ça l'a conduit je pense qu'on peut appeler ça un désastre. Oui. En tout cas, c'est le titre du livre, ça fait partie du titre du livre, Le désastre de 2008. Oui. Et il y a une analogie quand même intéressante à faire. On a souvent dit, tout le monde l'a entendu, on l'a répété plusieurs fois, 2008 ressemble beaucoup à 1930. C'est à peu près du même ordre de grandeur. Et comme en 1930, la crise, on dirait qu'elle ne veut pas finir. On n'a pas encore tout à fait terminé. C'est depuis bientôt 10 ans que la crise de 2008 est amorcée. On n'en est pas encore tout à fait sorti. L'auteur, c'est donc Serge Truffaut, éditorialiste retraité du quotidien Le Devoir, avec lequel je me suis entretenu d'ailleurs. On va l'entendre au cours de la prochaine heure, et il nous offre un livre qui tombe pile, vraiment pile au moment où on annonce que bientôt des règles, il n'y en aura à peu près plus. Alors le party chez les spéculateurs va pouvoir recommencer, une grande nouvelle. Donc oui, son livre décortique la crise financière de 2008. En prenant soin quand même de replacer beaucoup de choses dans leur perspective pour comprendre et surtout réaliser que c'est arrivé et que ça pourrait bien arriver encore. Ça, c'est beaucoup la leçon que moi, j'en ai retenue. Donc, l'humain, semble-t-il, n'apprend pas beaucoup de ses erreurs, en tout cas, surtout pas du côté de la finance. C'est bien trop le fun comme ça. Hein? Bonne émission! Donc, Anatomie d'un désastre de Serge Truffaut, Devenir gris, oui, c'est un peu ça, avec comme sous-titre La crise financière de Reagan à Trump, un livre qui tombe donc vraiment, vraiment au bon moment, au moment où Trump annonce que la loi Dodd-Frank, qui permet un tant soit peu de contrôle et de compte à rendre, va disparaître pour laisser le champ libre à nouveau à nos amis spéculateurs, banquiers et autres sympathiques personnages si gentils et si proches du vrai monde. Le genre de monde qui fait de l'argent comme de l'eau, et leur argent devrait, comme par magie, hein, vous le savez, ruisseler vers le bas, vers les couches inférieures, mais dans les faits, ça n'arrive pas. Mais le contraire n'est pas vrai, hein. Quand ça dérape, c'est en bas qu'on paye la note. Alors, le livre de Truffaut remonte dans le temps jusqu'au début du 20e siècle pour nous démontrer que finalement, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Truffaut nous présente avec soin et détail chacun des protagonistes qui méritent notre attention. Puis parmi ceux-ci, il y a Henry Paulson, qui a été président de la banque Goldman Sachs, puis secrétaire du Trésor entre 2006 et 2009 sous George W. Bush. Et l'auteur insiste tout au long du livre sur l'idéologie, sinon le fanatisme, bref, la haine de l'État que ces hommes ont en commun. État qui, je vous le rappelle, a néanmoins sauvé les banques. Alors, à propos de Paulson, il écrit ceci. Paulson croit donc au concept de destruction créatrice qui a fait la fortune de Schumpeter, mais le désespoir des masses. Il croit en cette version perfide de l'économie. Il croit en cette idée qui est la traduction fanatique du laisser-faire, puisque sa logique débouche immanquablement sur l'absence de tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'État. Destruction créatrice. Bombardons Coventry et Dresde. Passons le Vietnam au napalm. Ce sera bon pour l'immobilier et l'agriculture. On exagère? Oui, énormément, beaucoup. Car on a la volonté de mettre en relief le profond mépris que Schumpeter et les vandales de la politique contemporaine cultivent pour la sphère publique et, donc, pour le bien commun. Qui plus est, cette notion de destruction créatrice fait oublier un enseignement aussi vieux que Thucydide, premier historien de l'histoire. L'économie, c'est faire la guerre autrement. Quand l'homme ne sait plus la faire autrement, il la fait carrément. En d'autres mots, lorsqu'il n'y a plus de règles, lorsqu'on a perdu de vue le sens commun, l'un saigne l'autre. En clair, la destruction que favorisent Schumpeter et ses affidés est l'ovule de l'ignominie déshumanisante. Alors, vous voyez un peu le style, l'esprit. C'est comme ça pratiquement tout le livre. Et un peu plus loin, il écrit ceci à propos, encore à propos... lorsque Paulson est au cœur, vraiment, là, de la crise de 2008, il cherche à corriger la situation, qui est catastrophique, on le devine, on s'en rappelle. Dans le documentaire de plus de 3 heures de Frontline intitulé « Money, Power and Wall Street », Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants à l'époque, se souvient que Paulson lui a dit qu'il devait la rencontrer au plus vite, en compagnie des poids lourds du Congrès. Je lui ai dit « D'accord, demain, dans la matinée ». Il m'a alors dit « Non, demain, ce sera trop tard, il faut se voir aujourd'hui ». Flanqué de Bernanke, le secrétaire au Trésor se rend dans une pièce du Sénat où sont rassemblés les mandarins des deux partis politiques. Alors, sénateur du Connecticut, Christopher Dodd se rappelle, toujours dans le documentaire de Frontline, que Paulson a exposé la situation en termes clairs, sans user d'adjectifs. Il nous a expliqué qu'il fallait que les membres du Congrès votent une aide de 700 milliards. Puis, nous lui avons demandé « Et si nous refusons? » Alors, Bernanke a pris la parole pour souligner que si tel était le cas, lundi, il n'y aurait plus d'économie. Tout à coup, dans la pièce où nous étions, il n'y a plus eu d'oxygène. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times, they are a-changing. J'ai mis ça, je trouve ça un peu un clin d'œil en même temps. Je suis pas sûr que ça change tant que ça. Alors, c'est ce que j'allais dire. Voilà, hein, tout à fait. The times, they are not changing. They are repeating, on pourrait dire. Donc, si on commence, Jean-Claude, par raconter un petit peu plus que ce livre-là raconte. En gros, un livre qui parle, oui, de l'encadrement financier dont on s'était pourtant doté après la crise de 29, pour éviter que ça se répète, mais on s'est pas dompté, faut croire. Et pour parler de ça, Serge Truffaut, d'ailleurs, nous présente les acteurs principaux, hein, les acteurs de soutien, le scénario, tout ce qui nous a conduit finalement à la crise de 2008, là. C'est ce que... Pour résumer la chose. Oui, peut-être pour développer un petit peu là-dessus. Moi, j'aimerais ça quand même rappeler ce que signifie la crise de 29, ce qu'on appelle encore quand même la grande crise. C'est la crise de référence, si on peut dire. Quelques chiffres que Truffaut cite dans son livre, par exemple, de 1929 à 1933, le PIB, la production du pays a baissé, la chute annuelle a varié entre 29 puis 30 % Quand année après année, ouais, vous perdez 30 % de la valeur de votre production, ça commence à faire mal après quelques années. Le chômage a atteint 25 % en 1932. Il est à 3 % en 1929. Trois ans après, il est rendu à 25 %. Il y a 1345 banques qui ont fait faillite. Juste ça, hein? C'est presque l'image de l'enfer. Alors, ce qui est arrivé, effectivement, c'est qu'après ça, on a essayé de tirer des leçons, puis on a introduit ce qu'on appelle encore, ce que les spécialistes connaissent bien, la législation Glass-Steagall, du nom d'un représentant et d'un sénateur. Oui. La loi était passée en 1933. Et là, dans le fond, les dimensions de base de cette loi-là, c'est qu'on a séparé les quatre piliers, ce qu'on appelle les quatre piliers de la finance, c'est-à-dire le monde des assurances, les banques, les fiducies, puis les valeurs mobilières, c'est-à-dire la bourse. Cloisonnement. Puis c'est important de se rappeler ça, parce que c'est ce cloisonnement là qu'on a progressivement érodé, dont on s'est progressivement éloigné à partir des années 80. Puis évidemment, on a créé une Security Exchange Commission qui est un peu comme l'autorité des marchés financiers que nous avons au Québec. Parce que c'était une manière, si tu permets, de faire en sorte que, par exemple, les épargnants et tout ce qui est un peu, en fait, dans l'usage quotidien, ne soit pas impacté par une catastrophe qui se passerait de l'autre côté du bord de la finance. C'était ouais, ça l'idée. Oui, yes. C'est-à-dire, la Security Exchange Commission, ça visait à s'assurer que dans le fond que les épargnants aient l'information requise, qu'ils sachent dans quoi ils investissent, puis que les livres soient conformes, c'est-à-dire quand on émet des prospectus financiers, ça représente bel et bien la valeur réelle de la compagnie. Mais ce à quoi tu fais allusion, c'est aussi au fait qu'on a instauré des mécanismes de dépôt, d'assurance dépôt, pour éviter ce qu'on appelle les ruées bancaires, c'est-à-dire quand les gens perdent confiance, ils se précipitent à leur caisse ou à leur banque puis demandent de retirer leur épargne. C'est arrivé dans les années 30, c'est évidemment un effet catastrophique. Les gens perdent confiance dans le système bancaire. Donc, on a créé un peu l'assurance dépôt qui faisait en sorte que jusqu'à un certain montant, là, disons que c'est 200 000 $ de dépôt, le gouvernement assure que vous allez pouvoir récupérer votre argent, même si la banque faisait faillite. Un élément, je l'ai mentionné un peu en introduction, ce qui m'a, moi, frappé, en tout cas, dans la lecture de ce livre-là, c'est vraiment cette démonstration qu'on n'est pas dans l'administration, on n'est pas dans l'économie tant que dans l'idéologie. Toi, ça t'a... Effectivement, quand on dit qu'à partir des années 80, disons, on a progressivement laissé tomber les protections qu'on s'était données, c'était beaucoup à partir d'une idéologie qu'on qualifie maintenant de néolibérale. Ouais. On a vu il y a quelques émissions ce que ça veut dire. Le mot libéral en économie, ça veut dire que on n'a pas tellement confiance en l'État. On veut que les agents économiques, que ce soit des investisseurs, des manufacturiers, des épargnants, des travailleurs, des entrepreneurs, tout le monde ait le moins possible de règlement, de réglementation auquel il doit être assujetti. Donc, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et on a parlé de Bernanke tantôt, qui était le président de la Banque fédérale, l'espèce de banque nationale, un peu l'équivalent de la Banque du Canada aux États-Unis. À l'époque, c'était Alan Greenspan. Puis lui, c'était vraiment c'est peut-être le plus grand néolibéral. Lui, sa conviction, c'était que moins on intervient sur les marchés, le mieux que c'est. Parce que les gens qui sont sur le marché, donc les grandes banques, les courtiers, les agences de notation, ils savent ce qui est bon. Et ouais, bon, oui. Automatiquement, ils vont s'ajuster puis ils vont vraiment prendre les bonnes décisions. Juste pour donner une idée, les Koch Brothers, qui sont de sympathiques garnements américains, remettent, leur think tank remet au chaque 2 ans le prix Milton Friedman. Ça donne une idée de... Un autre néolibéral notoire. Voilà. Et donc, dans cette idéologie, au point où on rappelle des choses qui... Je connaissais la phrase, mais quand tu le lis dans le contexte, entre autres Thatcher qui avait dit « Garde, la société n'existe pas, hein, il n'y a que des individus ». On est allé loin, dans le fond, dans l'instauration, dans la confirmation de cette idéologie-là. Là. Je pense que oui, mais curieusement, moi, je pense que des gens comme Alan Greenspan étaient quand même sincères et eux, ils croyaient... profondément à ça. Oui. Croyez profondément que moins que le gouvernement intervient par des réglementations, le mieux ça va aller finalement à bout de piste. C'est-à-dire que l'économie va croître. Il y aura bien sûr des échecs, ce qui est normal dans une économie de marché, mais qu'au total, tout va aller pour le mieux. Et moi, j'étais au travail pendant toutes ces années-là comme économiste, peut-être pas dans des jobs financiers, mais quand même. Puis je me souviens très bien que Greenspan était presque perçu comme un dieu dans la communauté financière, la communauté des économistes. Greenspan, c'est une espèce de magicien qui avait réussi pendant... Il était quand même 20 ans ou à peu près 19 ans, je pense, comme président de la Banque fédérale américaine. Pendant ces années-là, c'était des années de croissance. Et les gens disaient, bien, Greenspan, c'est un génie. Il a vraiment réussi à éviter les crises, sauf qu'en 2008, on s'est rendu compte que c'était son inaction, c'était son laxisme finalement, peut-être. Puis aujourd'hui, il est perçu comme étant celui, jusqu'à ça d'abord, qui a créé la crise de 2008. Donc, il est passé de héros finalement à zéro. Fait que si vous dites à votre patron, je comprends pas, Greenspan, t'es un héros, lui aussi faisait rien, moi je fais rien, pourquoi tu me tombes dessus? Mais dans quelques instants, on va écouter Truffaut lui-même, dans quelques instants, restez là. Effectivement, donc, première partie de l'entrevue que m'a accordé Serge Truffaut, live de la France. Hein, donc, et d'ailleurs, je vous le dis, là, soyez compréhensifs pour la qualité du son. On a fait ce qu'on a pu, là. Et ce qu'il nous raconte, donc, dans cet extrait-là, c'est que, d'une part, il y avait eu vraiment des signaux d'alarme. Ça, il dit, qu'on a choisi d'ignorer par cupidité, sans doute, pour faire de l'argent, bien sûr. Mais surtout, au fond, et c'est ça qui nous fait réaliser, que c'est essentiellement une question d'idéologie. On est dans l'idéologie pure, on est dans la haine de l'État, et c'est un fil idéologique là, qui existe depuis fort longtemps, dans lequel même le Watergate a joué un rôle important. C'est qu'il y en a eu des signaux. Il y en a des gens au cours du temps qui voyaient plus clairement que les autres, qui voyaient ce qui se dessinait et on ne les a pas écoutés. Non, exactement. Et il y a un sujet qui me faisait rager en 2008, qui me fait toujours rager parmi les avertissements, comme vous dites, que nous avons littéralement reçus, c'est la faillite de la banque anglaise Barings. Ça m'a littéralement scié en deux lorsque qu'on a lu dans le rapport qui a été rédigé par les parlementaires britanniques. Vous savez que l'une des causes principales de la Behring, c'était la chose suivante, c'est que ce courtier qui s'appelait Nick Leeson, à qui on avait accordé un budget d'opération conséquent, ce courtier manipulait des véhicules financiers que les dirigeants de la banque ne comprenaient pas. Parce que c'était pour eux trop complexe, parce que les dirigeants de cette banque, qui avait été d'ailleurs la banque, soit en passant, de la couronne, avaient été formés, vous connaissez, vous savez, le circuit britannique de l'éducation chic, on va dire, donc Eton, Oxford, Cambridge. Ils avaient été formés dans les années 50-60 et ne comprenaient rien aux produits auxquels avait été formé un jeune courtier comme Nick Leeson, qui avait été formé dans les années 80. Et il y a eu une espèce de muraille de Chine culturelle qui a été constatée donc par les parlementaires britanniques et qui l'ont souligné en rouge dans leur conclusion. Et cet avertissement n'a pas été entendu. L'avertissement que je parle culturel, c'est l'avertissement qui disait, écoutez, il faut faire en sorte que les dirigeants des banques, la moindre des choses, ça serait qu'ils comprennent quelque chose à ce que les courtiers font au nom de leur propre établissement financier. Au fond, on est dans l'idéologie pure. Là. On n'est pas dans la rationalité, on n'est pas dans la raison. C'est l'idéologie, là. Tout à fait. Mais alors, vraiment, on est dans l'idéologie dont le maître mot est la haine de l'État, de tout ce qui ressemble à l'État, des fonctionnaires, des administrations publiques. Ce que je trouve de fascinant, et en fait, plutôt devrais-je dire pour être plus exact, ce que je trouve d'effarant, c'est que c'est même plus pour moi des histoires de droite ou de gauche, c'est que nous sommes en présence de personnes dont la haine de l'État est si prononcée qu'ils ne veulent même pas que l'État joue le moindre rôle d'arbitre. On admet que dans le sport, dans toute activité sportive, dans tout match sportif, tout le monde admet qu'il y ait des arbitres, parce que sinon ça serait la pagaille. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On ne veut même plus que l'État joue son espèce de rôle d'arbitre. Cette espèce d'attitude, elle est conséquente, et je reviens là-dessus, sur cette haine féroce de l'État, qui là est en train d'ailleurs de se manifester de façon diverse et prononcée aux États-Unis, avec évidemment l'arrivée de Trump. Mais quand je pense à cela, je pense notamment à la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, qui veut littéralement mettre le système public de l'éducation américaine, elle veut le mettre à terre au profit de l'éducation privée, des écoles privées. Et ce que vous faites bien aussi d'ailleurs dans le livre, c'est de montrer à quel point on est dans un continuum. Hein. C'est une continuité, ça date pas d'hier matin, et de fois en fois, de génération en génération, cette conception-là de l'État perdure, et effectivement, votre livre peut pas mieux tomber, on est encore là-dedans. Oui, tout à fait. Elle perdure, elle a commencé, c'est de façon, là on est vraiment dans le temps long de l'histoire, ce qui personnellement me fascine, c'est parce qu'elle a vraiment commencé le fil idéologique. Quand on remonte le fil idéologique, on constate que tout cela a commencé en 1969-70 dans ces eaux-là. Vous savez, il y a un aspect, je le regrette un peu, sur lequel je n'ai pas assez insisté. C'est l'un des effets pervers qu'a eu le Watergate. Je m'explique. Vous savez comme moi que dans les années 70, il y a eu tout d'abord la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu, dans les façons que vous connaissez, il y a eu des poussées inflationnistes très marquées, il y a eu ces jeunes étudiants qui osaient manifester ce que l'État faisait, que ce soit au Vietnam ou même ailleurs. Hein, faut se rappeler qu'on avait envoyé les troupes sur l'université du Kent dans l'Ohio, où 4 étudiants ont trouvé la mort. Bon, bref, il y avait un vent de contestation. Et arrivent donc ces deux journalistes qui... À la faveur de ce scandale politico-policier, qu'est le Watergate, qui ont obtenu indirectement, il va sans dire, la tête d'un président des États-Unis d'Amérique. Et à ça, ça a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense, ça a drôlement ébranlé les élites américaines qui ont littéralement, là, décidé de reprendre le dessus de réduire cette contestation qui fait partie de la démocratie, de la réduire à trois fois rien. Et cela a commencé d'ailleurs, ça s'est traduit cela, j'espère ne pas être trop long, mais ça, je l'ai constaté parce que j'étais déjà dans le métier, ça s'est traduit d'abord et avant tout par les gestes posés dans le monde médiatique. On a assisté à la fin des années 70 et au début des années 80 au saucissonnage de l'information. Je m'explique. Avant, il y avait beaucoup plus de magazines d'information qui traitaient d'un sujet en 20 minutes, une demi-heure, voire trois quarts d'heure, voire une heure. Et il y avait beaucoup plus de ce type d'émissions qui s'attardaient longuement sur des dossiers complexes. Cela a fait place à quoi? À des sujets qui sont traités en 10-15 minutes. Umberto Eco a eu une phrase, une analyse extraordinaire. La meilleure des censures, c'est l'inflation d'information. Alors, vous avez une émission, vous avez un sujet ou deux. Au terme de cette émission, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe ici ou là. Et versus l'émission où vous avez six sujets en 10 minutes où on ne sait plus trop où donner de la tête. On est un peu juste. On est noyé par l'information. Ouais, un point de vue intéressant qui soulève d'ailleurs, c'est le fait que plusieurs le disent, que pour que le citoyen se désintéresse des grands enjeux, on fait en sorte de rendre l'information plus rapide, plus succincte, plus variée. On prend plus le temps d'aller au fond des choses. Et depuis, c'est beaucoup ça. On est dans le futile, dans le loisir, dans le divertissement, dans l'opinion pour l'opinion, l'ère post-factuelle. Mais nous, on va parler un peu de fait quand même, Jean-Claude, pour s'intéresser au monde de la finance, pour dire... Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Et puis en quoi c'est si inquiétant et important aussi en même temps? Je t'écoute. Oui, ben voici, c'est l'objet, dans le fond, du livre de Serge Truffaut. C'est dans le fond, il y a deux économies. Il y a l'économie, on a parlé un petit peu dans des émissions précédentes, il y a l'économie réelle, c'est ce qui se fait concrètement dans des usines, dans des commerces, dans les travailleurs qui travaillent, des choses comme ça. Puis l'économie financière, le monde de la finance, qui est une espèce d'intermédiaire entre les épargnants, ceux qui ont un surplus de revenus ou un surplus de richesses, qui veulent le faire fructifier. En principe, le monde de la finance sert... d'intermédiaires, donc, entre ceux qui ont trop d'argent et ceux qui en ont besoin pour investir dans des commerces ou dans des manufactures. Le problème, ça passe par quatre canaux, on en a parlé un peu tantôt. Le cloisonnement des années 30, ça visait justement à tes comptes des liens entre les quatre canaux pour un peu les cloisonner. La fiducie, c'est ceux qui gèrent, par exemple, des héritages, des valeurs du patrimoine familial. Les banques, évidemment, tout le monde connaît les banques. Les valeurs mobilières, ça, c'est la bourse, ceux qui investissent dans les actions. Les courtiers qui servent d'intermédiaires pour l'achat d'actions. Et les assurances, faut pas oublier les assurances, c'est beaucoup d'argent que les gens placent dans des combinaisons d'assurance. Puis la compagnie d'assurance, elle, avant d'avoir les réclamations, bien, elle le place à différents véhicules, comme des obligations ou des actions, pour faire fructifier le capital en question. Donc, c'est un peu... C'est tout ce monde-là qui a pris une énorme importance. C'est le capital financier. Oui. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, et c'est en bonne partie, je pense, que suite à l'évolution que M. Truffaut mentionne depuis les années 70 et 80, c'est que selon les estimations qu'on peut faire, la valeur de ce capital financier, présentement, c'est à peu près deux fois la valeur du capital réel, ce qui est une aberration. Prenez un exemple très simple, c'est un peu comme si la valeur de votre hypothèque valait deux fois la valeur de votre maison. Mmh. Vous avez une maison, disons de 100 000 $, soyons modestes. Oui, voilà. Puis, un cabanon de 100 000, Puis, puis l'hypothèque vaut 200 000. Ça veut dire que celui qui vous a prêté, à un moment donné, il va être mal pris parce que il pense que son titre vaut 200 000 $, mais en réalité, s'il saisit votre maison, il va se rendre compte que votre maison valait seulement 100 000. Tant que tout le monde retire pas ses billes, il veut pas retirer les placements qu'il a fait, ça tient, l'illusion tient. Ouais. Mais si tout le monde aujourd'hui décidait, toutes les compagnies d'assurance, tous ceux qui ont placé de l'argent dans des actions ou dans des obligations disaient, ben moi j'en ai besoin, je vais la revendre mon action, mon obligation, on se rendrait compte que ça vaut à peu près la moitié de qu'est-ce qu'on pensait que ça valait. C'est ça qui est dangereux présentement, une espèce d'illusion financière, une illusion monétaire là, qu'on entretient. Et c'est là-dessus qu'on beaucoup joué aux équilibristes, hein? Volontairement, mais ce qui est aussi très déprimant dans tout ça, c'est que c'est involontairement dans le sens où on se rend compte, et Truffaut le dit, et tu me le disais aussi, il n'y a pas grand monde qui savait ce qu'il faisait finalement. Oui, ben c'est ça, si on revient effectivement à l'époque des années 80 puis 90, puis ce qui est vraiment fascinant, tu l'as rappelé un peu tantôt, David, mais moi aussi, ça m'a frappé qu'autant M. Greenspan, il était quand même l'économiste le plus puissant de la planète, il était président de la Banque fédérale américaine, il avouait devant le Congrès, ben écoutez, on ne sait pas trop comment ça marche, les produits dérivés, des choses comme ça, les CDS, des titres assez bizarres, mais ça doit fonctionner parce que le marché, c'est ce qui est bon, puis on leur fait confiance. Mais on avait un exemple au Québec, moi, qui m'avait beaucoup fasciné. C'était un peu du même niveau comme exemple. Henri-Paul Rousseau, qui à l'époque était président de la Caisse des dépôts et placements, puis on sait que la Caisse avait quand même écopé de 40 milliards dans le débarque de 2008. Puis M. Rousseau, il n'était même pas le dernier venu. C'était un docteur en économie. C'était un type très compétent et qui était professeur à l'Université de Laval, d'ailleurs, à une certaine époque. Puis lui, il disait, bien, écoutez, nous, on se fie à ce que nous disaient les agences de crédit. On a investi dans les papiers commerciaux adossés à des hypothèques à risque parce qu'on nous disait que c'était bien bon, qu'il n'y a pas de problème. En toute bonne foi, on a investi là-dedans. Fait que si des types comme M. Greenspan ou Henri-Paul Rousseau ne savaient pas trop ce qui se passait, imaginez-vous le commun des mortels, le commun des épargnants. C'est donc très facile de leur vendre quelque chose qui vaut rien. C'est facile de tomber dans le panneau. On fait confiance les yeux fermés, ces gens-là. Exactement, oui. Merci, Jean-Claude. On revient dans quelques instants. Donc, c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 avec David Lemelin au micro, la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Je dois vous parler quelques instants du Radioton qui s'en vient. Donc, au cours des prochaines semaines, en route vers notre événement Radioton radiophonique Radioton 2017 qui se tiendra les 31 mars, 1er et 2 avril. Nous sollicitons votre appui par un don pré-Radioton ou encore en renouvelant votre carte de membre. Notre objectif, c'est 42 000 $. Ça, c'est une heure de salaire de PDG. Donc, votre soutien demeure essentiel. Tout à fait. Radio différente, une radio qui fait du bien à l'âme et à l'esprit et au cerveau. Donc, don pré-Radioton de 20 $ et plus. Vous pouvez le faire. Carte de membre, 25 $. Pour ce faire, vous trouverez les détails sur ckrl.qc.ca. Nous comptons sur vous et nous vous remercions infiniment d'ailleurs. Pour poursuivre de notre côté, donc on parle du livre « Anatomie d'un désastre » de Serge Truffaut. Très sympathique Serge Truffaut d'ailleurs, avec lequel je me suis entretenu. Je poursuis la lecture du livre. On a parlé du fait que l'auteur passe en revue la plupart des acteurs importants qui sont partie prenante de la crise. On est même remonté jusqu'à celle de 29 pour bien comprendre. Alors vous vous dites, bon ben c'est les Américains, hein, ça nous concerne pas vraiment. Alors l'auteur nous rappelle ce que fit Brian Mulroney, qui était au fond pas tellement différent de Reagan et de Thatcher, qui sont directement coupables d'avoir scrappé leurs économies respectives. Donc lui aussi croyait à ça, à la privatisation. Alors voici, écoutez ceci. En 1985, Mulroney se fit la main, si on peut dire, avec la vente de la Société des Transports du Nord, puis celle de l'avionneur de Havilland Aircraft of Canada. En 1986, suivirent celles de Pêcherie Canada, des Arsenaux canadiens, de la Corporation de développement du Canada, de Nanny Civic Mine, de CN Route et de Canadair. En 1987, ce fut au tour de la Commission d'énergie du Nord canadien, Yukon, de Fisheries Products International, de la Vanity Corporation et de l'énorme Télégobe Canada. En 1988, ce fut la colossale chaîne d'hôtels CN, la Commission d'énergie du Nord canadien, TNO, Northwestel Incorporé, Télécommunications Terra Nova, Télécommunications CNCP et Systèmes Terminaux de Télécommunications, sans oublier le début d'une privatisation très importante, celle d'Air Canada. Le gouvernement observa une pause de plus d'un an avant d'ordonner en 1991 la vente de Petro-Canada. Moi, je me souviens de ça. Simultanément à cette vague au cours de laquelle, pour reprendre une image familière, l'État avait vendu les bijoux de famille, Mulroney et ses ministres mirent définitivement en bière le concept du monopole dit naturel. En d'autres mots, ils ouvrirent les secteurs des télécommunications et du transport aérien, entre autres, à la concurrence. Quoi d'autre? Ils introduisirent au sein de sociétés publiques ayant échappé à la privatisation la mécanique de production dite d'externalisation, laquelle n'est rien de moins qu'une privatisation larvée. Une privatisation hypocrite. Le 2 janvier 1988, Mulroney et Reagan signaient l'accord de libre-échange nord-américain qui réduisait à un tas de confettis les freins au commerce des biens et services et à l'investissement entre les deux pays, tout en balisant les échanges entre eux de manière à ce que la concurrence soit sur la ligne de l'équilibre. Ce chapelet de réformes s'est-il traduit par une saine mutation des finances publiques? Pas du tout, à l'instar de son voisin du Sud, Mulroney accumulait les déficits. Well, Frenchmen came from France to exterminate Indians, satisfy their appetite for genocide. Donc, deuxième et dernière partie de l'entrevue avec l'auteur Serge Truffaut, qui, oui, s'amuse dans ce livre-là, dans la mesure où il se sent libéré de ses obligations d'éditorialiste pour y aller avec une plume un peu plus personnelle et percutante, d'ailleurs. Dans son livre, Truffaut avance le concept de capitalisme stalinien, manière de décrire le fait qu'on n'est pas du tout dans la liberté pure de l'économie de marché, mais plutôt dans le contrôle total des acteurs financiers sur l'État. C'est vraiment ça. Ils ont le soutien de l'État en toutes circonstances, ils sont au-dessus des lois. Et quand on demande à Truffaut s'il est confiant pour l'avenir, il dit que le pire a déjà été annoncé, la suppression de la loi Dodd-Frank, donc ça sent pas bon pour l'avenir. D'ailleurs, ce que vous décrivez là nous conduit à ce que vous appelez le capitalisme stalinien, parce qu'on essayait en théorie de laisser la liberté pure, mais dans les faits, c'est même pas ça qui se passe. Pas du tout. Je trouve afférence, je trouve hallucinant de savoir que nous avons, de par le monde, en Occident, même en Asie d'ailleurs, désormais, nous avons des acteurs financiers qui bénéficient de quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle le qualificatif, la qualité, bénéficie de la qualité dite too big to fail. C'est-à-dire que, au Canada, nous avons des banques qui font partie de la catégorie des too big to fail, donc qui sont dirigées donc par des individus qui bénéficient de privilèges, comme on disait, les privilèges de l'ancien régime. Il y a une caste d'individus qui est comme au-dessus littéralement des lois, qui est en dehors de, si j'ose dire, l'espace démocratique, qui peut faire tout et n'importe quoi, qui a énormément de pouvoir sur l'évolution économique au jour le jour, j'insiste, au jour le jour, et qui est assuré d'une chose, le soutien de l'État en toutes circonstances. C'est effarant, parce qu'en Amérique du Nord, vous prenez dans le Canada, vous avez la Banque de Montréal, ainsi que la Banque de Toronto Dominion, sont tous les deux font partie de la catégorie des too big to fail au Canada, mais également aux États-Unis, parce qu'elles sont très, ce sont des banques régionales de grande taille. Alors, vous avez donc ces banquiers qui, de par le monde, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est effarant, parce que quand on s'attarde aux chiffres, faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, la part qu'occupe l'industrie financière dans l'indice du Dow Jones, c'est à peu près 30%. Et c'est énorme, énorme. C'est beaucoup plus que l'automobile, hein, ou d'autres activités, si j'ose dire, d'autres activités dites de masse. Et c'est effarant de savoir que c'est ça le capitalisme stalinien, c'est que on a mis, c'est littéralement ça, je ne sais plus qui a dit, privatisation des profits, socialisation des pertes, c'est vraiment ça. C'est vraiment cela, les pertes qui ont été induites par la crise de 2008, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent et payent beaucoup plus, nous, nous avons dû les digérer de manière indirecte. Est-ce que vous êtes donc conséquemment inquiet pour l'avenir? Parce que changement de gouvernement aux États-Unis, Donald Trump a clairement mentionné que la réglementation allait diminuer, qui était déjà pas très intense. Oui. Est-ce qu'on va répéter 2008 ou peut-être pire? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Le pire est déjà pour moi annoncé. Le pire a été annoncé la semaine dernière. Je m'explique. La nouvelle administration, donc celle de Trump, a annoncé la semaine dernière l'abolition, la remise au rancard de la réforme de Dodd-Frank, la réforme de l'industrie financière. Mmh. Bon, je vais passer très vite sur l'aspect technique de la réforme en question, comme par exemple les réserves de capitaux que l'on voulait exiger de la part des banques pour qu'elles soient plus prudentes, etc., parce qu'on pourrait se perdre dans les méandres des politiques et financières des différents pays. Pour mieux retenir ceci, il faut comprendre que peu de temps avant qu'il quitte le ministère de la Justice, Eric Holder avait... C'est pas lors d'une conférence de presse ou d'une entrevue particulière ou à la faveur d'un texte écrit pour les pages op-ed du New York Times. Eric Holder, j'insiste devant les membres du Congrès, dit « Notre ministère n'est pas en mesure de poursuivre les auteurs ou les principaux responsables de la crise de 2008, parce que nous sommes confrontés, ce sont ces mots, nous sommes confrontés à des établissements financiers qui sont tellement gros que cela nous inhibe, et nous n'avons pas l'appareil juridique adéquat pour les poursuivre. Donc, on n'apprend pas de nos erreurs. Aucunement, pas du tout, pas du tout. Dans la réponse, je vous ai donné un élément très juridique, mais je pourrais maintenant évoquer un aspect là, qui est plus complexe, un aspect plus, qui relève plus de la mécanique des produits, c'est que comment on va poursuivre la politique du laisser-faire tous azimuts, on peut s'attendre d'ores et déjà à ce que les Morgan Stanley, la Citibank ou Goldman Sachs inventent des produits financiers encore plus complexes que ceux de marché. Parce que quand vous avez Alan Greenspan, le patron de la Banque fédérale des États-Unis d'Amérique, qui finit par avouer, 4 ans après qu'il ait quitté la banque, qu'il ne comprenait rien aux produits financiers avec lesquels jonglaient Goldman Sachs, Lehman Brothers et compagnie, c'est quand même quelque chose. La Banque nationale de Paris, c'est elle qui, la première, avait envoyé le signal d'une crise à venir au mois d'août 2008, quand elle a décrété que 3 de ses fonds, pas de ses produits, 3 des fonds qu'elle avait aux États-Unis, elle avait décrété de les fermer parce qu'elle ne savait plus de quoi était fait ce fonds, de quelle est la valeur des fonds qu'elle vend par ailleurs partout aux États-Unis. C'est hallucinant, ça, c'est hallucinant. Effectivement, Jean-Claude, on est dans... C'est hallucinant, on l'a évoqué, il l'a rappelé lui aussi. Donc, on n'apprend pas de nos erreurs et il y a donc tout l'intérêt de rappeler ces similitudes qu'on peut voir entre les différentes crises et ce qu'on a devant nous, finalement, en 2017. Là. Oui, bien peut-être, oui, il y a quelques éléments dont je pense que M. Truffaut a tout à fait raison de dire que le rappel de la loi, la révision de la loi Dodd-Frank est quand même un petit peu inquiétant. M. Truffaut disait qu'il ne voulait pas embarquer trop dans les technicalités. Je le comprends moi-même, je ne m'y hasarderai pas trop, mais il y a quand même un élément, c'est que dans la loi Dodd-Frank, ça l'interdisait un peu les conflits d'intérêts. C'est-à-dire, si un courtier vous recommande d'acheter telle action, puis vous apprenez par la suite que lui, il y a une commission là-dessus. Ça, c'est un conflit d'intérêts. Alors, Dodd-Frank a des provisions pour empêcher les conflits d'intérêts. Et ça, on voudrait laisser tomber ça. C'est un des aspects sur lesquels qu'on voudrait revenir là-dessus. C'est un petit peu inquiétant. Quand votre courtier, là, il a intérêt à vendre tel produit, je sais pas, il est peut-être pas tout à fait neutre. Il défend peut-être juste votre intérêt, mais défend peut-être son intérêt à lui. Peut-être aussi, ce qui me frappe, moi, c'est que, malgré ce que M. Trump avait dit en campagne électorale, c'est qu'il y a dans son cabinet, qui ont pris des postes de ministre, des postes de secrétaire et des gens qui viennent de Wall Street. Oui. Lui-même vient du monde de l'immobilier. C'est un magnat de l'immobilier, M. Trump. Donc, moi, je me méfie un petit peu, ça m'inquiète un petit peu de voir cette espèce d'osmose, cette proximité entre le monde de la finance puis les gens qui sont les plus haut placés dans l'administration présidentielle américaine. D'autant que c'est avec l'intention de moins contrôler. Si c'était pour dire, bien, ils sont là, mais on va encore mieux travailler. Oui, ils connaissent ça, ils savent comment ça marche l'intérieur, ils vont être mieux capables de nous protéger. Mais ça ne semble pas nécessairement. Ils ont plutôt de revenir à l'époque à l'idéologie néolibérale qu'on mentionnait tantôt. Genre, laissons les marchés fonctionner. Les marchés savent comment ce qui est bon pour le peuple, ça va bien aller si on leur fait confiance. Peut-être une petite analogie aussi, parce qu'on parle souvent, ça revient régulièrement à l'actualité, le taux d'endettement des Canadiens, des Américains aussi, des Québécois. Ouais, crédit, Ben, en 1929, si on fait une analogie avec 1929, M. Truffaut, dans son livre, mentionne par exemple qu'au cours des dernières années qui ont précédé la crise de 1929, 80% des postes de radio, à l'époque c'était important, les postes de radio, étaient acquis à crédit. Vous achetez des postes de radio à crédit, c'est quand même incroyable. 3 automobiles sur 5 étaient achetés à crédit. Maintenant, c'est quasiment 5 sur 5. Fait qu'on est peut-être une situation d'hyper-crédit à la consommation qui a conduit, dans le fond, un peu à la crise de 29. On est un peu dans des eaux semblables aujourd'hui. Donc, peut-être un dernier commentaire là-dessus. Il y a 2 semaines, la semaine passée ou il y a 2 semaines, François Trahan, qu'on connaît peut-être moins, c'est un économiste qui fait carrière à New York et comme dans les maisons financières de New York. C'est un très bon. Il a gagné le prix du meilleur prédicteur, comme oui, prévisionniste, disons, de qu'est-ce qui allait se passer. Lui, il dit que là, il y a tellement un déséquilibre dans le monde financier présentement que lui, il estime qu'on se dirige vers une correction d'à peu près 15% dans la prochaine année. C'est-à-dire les titres boursiers devraient baisser, selon son estimation, de 15%. Ce qui est moins pire qu'en 1929, mais... Mais qui veut dire quoi? Qui veut dire que finalement, il y a bien des gens qui vont perdre de ce qu'ils pensaient être leur richesse. Ouais, c'est ça. Et c'est inquiétant, notamment pour. Faut se rappeler que je mentionnais tout à l'heure les assurances, mais les fiducies, les fonds de pension. Il y a beaucoup des gens qui indirectement, sans s'en douter, dépendent de la santé du système financier. Parce que c'est encore la même chose, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'élastique casse que tout s'emballe, parce que tous ceux qui s'imaginent qu'ils vont avoir l'argent nécessaire, qui sont surendettés, qui ne seront pas capables de rembourser, ben à un moment donné, on joue avec le feu, là, littéralement. C'est ça qu'on fait. On joue avec le feu, mais M. Truffaut le mentionne un peu dans son livre. L'élastique casse, dans le fond, oui. Quand les financiers, ceux qui ont épargné, se disent, ben là, je pas sûr d'être capable d'être remboursé. Je suis pas sûr que ceux à qui j'ai prêté vont me rembourser. C'est ce qui s'est produit au niveau des pays avec la Grèce. À un moment, on s'est dit, ouais, là, on a peut-être un peu trop prêté à la Grèce. Pour moi, ils seront pas capables de nous rembourser. Quand c'est la Grèce, c'est quand même pas trop pire. C'est une petite économie. Mais quand c'est les États-Unis qui dépendent à ce point de la finance, là, ça commence à être un peu plus inquiétant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même une zone de non-confiance ou d'inconfort, ce qui est quand même pas tout à fait le cas présentement. En tout cas, il y a une bonne partie des électeurs américains qui a confiance que Trump va ça va aller. De toute façon. Ben, c'est peut-être ce qui est inquiétant. Oui, parce que c'est le paradoxe qu'on l'a vu dans les journaux ces derniers jours encore, c'est que la bourse a beaucoup progressé, bat des records extraordinaires. Mais ça ressemble étrangement à 1929. On n'était pas là, toi et moi, en 1929, David, mais on a assez lu pour savoir que c'était ça, une espèce d'euphorie. On disait souvent que les concierges, les préposés au guichet dans les restaurants, dans les caisses, investissaient à la bourse. Il y avait une espèce d'euphorie, d'emballement pour la bourse. Il n'y a peut-être pas un emballement pour la bourse à ce point aujourd'hui, en tout cas pas chez tout le monde, mais il y a quand même une espèce de confiance inexplicable dans la solidité de l'économie américaine. Il laissait pousser la première note, tiens. C'est magnifique. Donc, puis vers la fin de l'ouvrage, Serge Truffaut, citant le sage Roosevelt, écrit ceci. L'entreprise privée cesse d'être de la libre entreprise et devient petit à petit un regroupement de collectivisme privé. En se transformant elle-même en système de libre entreprise, d'après le modèle américain, elle est en réalité devenue un système de cartel occulte selon le modèle européen. Nous en sommes là, donc. L'État a accordé des centaines de milliards au sauvetage de Goldman Sachs, J.P. Morgan et compagnie, mais pas un copec aux 100 000 citoyens de Flint au Michigan qui subissent depuis des années les conséquences terribles pour la santé d'une gestion criminelle de la distribution de l'eau qui avait été remise entre les mains du privé, bien sûr. En janvier 2014, des produits chimiques ont été déversés dans la rivière Elk en Virginie-Occidentale, avec là aussi des conséquences terribles pour la santé de ces humains, probablement trop humains. La raison? Les réservoirs d'eau n'avaient pas été inspectés pendant 15 ans. Ah, tiens donc. Pour cause de compression budgétaire. Restons dans l'eau, l'État américain a dépensé 7 milliards pour la remise à niveau de l'aqueduc de Bagdad. La raison? Money talks. Il faut bien enrichir Halliburton et les autres malfrats de l'écosystème où s'assemblent les acteurs de notre histoire, n'est-ce pas? Nous en sommes là. En attendant l'année dernière, nous voici à l'ère du capitalisme stalinien. À Alan Greenspan, à Charles et Dave Koch, à James Simmons, à Timothy Geithner, Jamie Dimon, Lloyd Blankfein, Hank Paulson, Robert Mercer et tous les apôtres de la culbute financière, nous disons chapeau. Claude. Maintenant, on arrive à l'actualité pour terminer. Chiffre de la semaine, je voulais revenir sur l'armement, en fait, pour des précisions, notamment. Oui, des précisions, effectivement. Peut-être rappeler, peut-être une correction. D'abord, il y a quelques semaines, j'avais mentionné que parmi les principaux exportateurs d'armes, en fait, le principal exportateur d'armes était les États-Unis. J'avais mentionné le chiffre absolument incroyable de 10 000 millions, milliards, c'est-à-dire, oui. Alors c'était plutôt 10 milliards. C'est 1 000 fois moins, mais 10 milliards, c'est quand même pas si mal. C'est pas des peanuts. C'est quand même pas des peanuts. Mais peut-être une statistique un peu connexe aujourd'hui, c'est le budget de la défense des différents pays. Et là, on est dans un autre ordre de grandeur. Le champion, encore une fois, ce sont les États-Unis. Un chiffre très récent, cette fois-ci, de 2016, c'est 605 milliards aux États-Unis, le budget de la défense. Et Monsieur Trump trouve que c'est insuffisant. Oui. Il a annoncé cette semaine une augmentation de 54 milliards, comme si ce n'était pas suffisant. Il faut rappeler que même avec seulement 600 milliards, c'est plus que les 7 autres pays qui suivent, y compris la Chine, la Russie, puis les méchants habituels. Donc, déjà, ils dépensent autant que les 7 concurrents, principaux concurrents, puis ils vont encore l'augmenter. Comme quoi, c'est jamais assez. Et c'est en lien directement avec l'actualité, parce qu'on parle beaucoup de ce temps-là, hein, des dépenses militaires dans le PIB. Il y a eu des reproches qui ont été adressés. D'ailleurs, le vice-président américain Mike Pence qui a dit, qui a accusé certains membres là, de l'OTAN de ne pas payer une part équitable pour assurer la défense commune. Tiens donc. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? La question s'est posée, est-ce que le Canada a besoin d'en faire davantage? Ben, le Canada est un des délinquants identifiés par M. Spence. C'est Canada. parce qu'on ne dépense que 15 milliards seulement, alors qu'on s'attendrait à ce qu'on dépense plutôt de l'ordre de 40 milliards en dépenses militaires pour faire notre juste part, selon M. Spence, en matière de contribution à l'OTAN et aux dépenses militaires en général. Peut-être mettre les chiffres en perspective. Oui. Je mentionnais tantôt que le budget militaire des États-Unis est présentement de l'ordre de 600 milliards. Rappelons-nous que le PIB du Québec est de l'ordre de 300 ou 400 milliards. Donc, les États-Unis dépensent plus en armement que l'ensemble de l'économie du Québec. Puis le budget du gouvernement du Québec, c'est 100 milliards. Donc, c'est 6 fois moins que ce que dépensent les Américains seulement qu'en armement. C'est quand même incroyable comme donnée, puis ça permet de réaliser ce que ça peut signifier. Parce que là, on disait, le Canada est à 0,99%, là, c'est ce qu'on disait dans les chiffres, là, pour ce qui est de la part du PIB, de grimper ça à 2%. Ça a l'air petit comme chiffre, 2%, on dit ça, ça a l'air insignifiant, mais c'est des chiffres tellement énormes que ça fait une différence qui est considérable, même sur le plan budgétaire. Demain matin, ils se diraient, on veut s'essayer de rejoindre ce chiffre-là, qu'on aurait des problèmes, je ne peux pas croire. Oui, parce que 15 milliards quand même, là, rappelons-nous que les gouvernements ont de la misère à équilibrer leur budget pour quelques 2 ou 3 milliards, alors quand vous dites là, augmenter vos dépenses de 15 à 30 ou 40 milliards, là, c'est quand même une commande énorme. Et la vraie raison de tout ça, c'est d'avoir des commandes d'armes. En fait, ça s'est dit. Hein, c'était vraiment dire, regardez, là, dans le fond, ce que veulent les États-Unis, c'est d'avoir des commandes. Bien, c'est parce que aux États-Unis, c'est peut-être plus évident, mais même des pays comme le Canada ou la France, le Royaume-Uni, même la Suède, qui sont des pays qui se prétendent un peu plus pacifistes, il y a une bonne partie de l'économie, de la production qui dépend, en fait, de ventes de matériel militaire. Puis le Canada, on a eu l'exemple qui est encore très controversé de la vente de véhicules blindés à l'Arabie saoudite. C'est un contrat, on n'a pas le chiffre exact, mais les estimations varient entre 12 et 15 milliards. C'est énorme, là. 12 et 15 milliards, un contrat de vente à l'Arabie saoudite. Là. C'est un des pires pays de la Terre. En tout cas, c'est un des principaux clients au niveau de l'armement, ça, c'est sûr. Ouais, donc, tous les pays, pour les droits de l'homme, c'est un des moins bons. Donc, exactement, oui. Ça veut dire qu'on a la morale élastique, hein? Il suffit de savoir combien il y a de zéros sur le chèque, c'est ça la question. Exactement, oui. Merci Jean-Claude. Ainsi donc, anatomie d'un désastre, la crise financière de 2008 de Reagan à Trump, du très sympathique et pertinent Serge Truffaut, à lire pour comprendre ce qui s'est passé, mais surtout pour réaliser, tristement, que ça va revenir. Comme ça, ben, vous aurez le goût de commencer à empiler vos conserves, hein, vous aurez su avant.